un religieux, je vois le style père entrer. Pas de soins, pas de médecin, je vais crever. C'est leur volonté, me garder isolé, que je dise rien. Donner des noms, nah, j'assume ce que j'ai été. Bien, mais rends-moi un service, padre et narré à ma famille ce que je leur ai caché depuis des années. À 37 ans, voici mon récit où tout a basculé. Loin du conte de fées fixé, le décor était à chier, tu le sais, fissé. Tu vois le topo, enfance malheureuse, gosse battu. Un père, non, un salaud, mon premier boulot, gratis pour ma mère et ses filles. Je l'ai abattu, elles m'ont jeté. C'est la vie, fils, cool mino. Pour du fric, je sais le faire, et si je galérais, je dégomme des blaires pour du cash, gazier. Un tueur à gage, un mec sans âme, un mec qui pense avec l'arme, sans larmes, un mec qui traîne des cadavres, du mille et une victime, l'homme qui supprime, l'homme qui a rien à foutre de ta famille, si tu dois mourir, l'homme qui tire, l'homme au compte en banque en Suisse qui délire, le souvenir, le mec le pire, le mec qui vise, shoot, touche sa cible, le mec prié par des firmes, des gros bonnets qui friment, le mec à éviter, padré, tu le sais, mais j'ai décroché, ils m'ont demandé, tu es un gamin de 8 ans, ça j'ai jamais fait. Non, jamais, et maintenant je sais pourquoi. J'ai pu laisser les flingues dégoûter derrière moi. Il y a 5 ans de ça. Un passé, trouble, 5 ans de répit. Une vie à tuer, et un jour tu paies le prix. Ça tombe quand tu dis attends pas, ton passé ressurgit. Trouble, tu prends la vie, tu perds la vie. C'est ainsi, un passé, trouble, 5 ans de répit. Vie à tuer, et un jour tu paies le prix. Ça tombe quand tu dis attends pas, ton passé ressurgit. Trouble, tu prends la vie, tu perds la vie, c'est ainsi. Petit à petit dans ma nouvelle vie, j'ai été moins aux aguets. Remarqué, un an était passé, j'avais changé de ville, d'identité, cela s'imposait. Supposé que ma sécurité à ça tenait. 32 ans j'avais, c'est dans un bar que je l'ai rencontré. Elle resplendissait d'étonner du cadre qui l'entourait. Une fille bien, elle m'a appris à aimer sans intérêt. Carrément moi à ce moment là je me suis vu comme un autre, dire qu'avant de la violence j'étais apôtre. Un autre j'étais devenu le voisin gentil, l'ami, celui avec qui on part en week-end vendredi. Fiancé puis marié, très vite ma femme est tombée enceinte. Si vous saviez ma joie dans son ventre, y'avait un autre moi. J'disais plus je mais nous pour ma famille, j'étais prêt à tout, j'avoue. Mes vieux réflexes n'étaient plus là, n'avaient plus de sens dans cette vie là. Mais voilà, j'étais devenu vulnérable, j'crois. Ce soir là j'étais resté bossé tard au bureau. Téléphone avait sonné plusieurs fois, j'répondais pas un mot bizarre. Une intuition, une voix dans ma tête, rentre chez toi pour voir la maison. La lumière allumée, la porte entrebâillée. Avant de l'ouvrir, je savais qu'il m'avait retrouvé. Trouble, 5 ans de répit. Une vie à tuer, et un jour tu paies le prix. Ça tombe quand tu t'y attends pas, ton passé ressurgit. Trouble, tu prends la vie, tu perds la vie, c'est ainsi. Un passé, trouble, 5 ans de répit. Une vie à tuer, et un jour tu paies le prix. Ça tombe quand tu t'y attends pas, ton passé ressurgit. Trouble, tu prends la vie, tu perds la vie, c'est ainsi. Maintenant je suis là dans ce lit, je pense à elle, je pense à mon fils aussi. Ma vie un gâchis, si j'avais su, j'aurais mieux agi. Non, le crime dans la peau, j'ai fait ce que j'avais à faire. Faut que je me lève et descende les commanditaires. J'dis quoi, faut pas que je perde de vue la vie que je menais. La morale je m'étais fixée, que je bascule pas dans le passé. C'est censé vouloir dire quoi, moi je vais y passer. Philosopher, padré, ton dieu, ce qui va me jeter. Finalement, je raconte n'importe quoi, je sais que vous voulez m'aider. Mais je sens, je sais la fin, je veux pas mourir. Je m'en fous, je tiens plus le coup, c'est la haine qui l'emportait. J'en veux à ceux qui ont soufflé mon bonheur, mes forcés. Ma joie, ma vie. Je crois qu'aujourd'hui on meurt comme on vit, padre. C'est bizarre, j'ai plus de rancœur au cœur, je meurs mais je vis. Je remercie Dieu de m'avoir donné 5 années de répit.